Maxi France, c'était Simone avec tous les deux. Maxi France. Allez, bon après-midi avec Maxi France. Il est tout pile 13h.